T'as jamais eu aucun goût, c'est pas le Covid. Nique ta mère, nique ton luxe et tes placements de produits. T'es pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithme. Tu seras jamais heureux parce que t'es maudit. Lifestyle de connard, vendeur de fausse gloire, trader en costard. Leur rêve c'est mon cauchemar, génération burnout. Sous pression, courir après des chimères de perfection. Bousillé comme Amy, bousillé comme Britney. Confond pas réussite, gloire, bonheur et succès. Tu sais ce que veulent les riches, tout ce qu'ils peuvent pas avoir. Avant d'être riche tu peux pas le croire. Je connais plein de stars, c'est des merdes. Si tu les croises ça briserait tes rêves. Si tu les croises ils vont t'humilier. Ils t'éteindront pour mieux briller. J'essaie pas de faire le réa quand ils réseau. Je veux juste dire oublie jamais que c'est faux. Tes gens sont payés pour te baiser le cerveau. Que la vie paraît fat quand tu vois le meilleur des autres. Ils ont rien d'autre à foutre qu'être beau. Te compare pas, refuse la dictature des beaufs. Ils explosent dès qu'ils se prennent pour quelque chose. Noyés dans leur ego. Rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureuse. Rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureux. On leur met des étoiles dans les yeux. On leur met des étoiles, on leur met des étoiles. Aveuglés par des étoiles dans les yeux. On nous met des étoiles, on nous met des étoiles. Depuis quand tout est tellement sérieux? T'as de la chance d'être bien pensant, j'suis un haineux. En vrai j'suis pressé que tu me cancelles. Ta tolérance est juste une autre façon de se mettre en scène. Chasseur de sorcières, gratteur de sales buzz. Menteur faux prophète, vendeur de bonnes mœurs. Tellement content de pouvoir juger. Lancer des braises sur le bûcher. Agir au nom du bien, empêche pas de faire le mal. Faire semblant d'être humain, c'est la technique du diable. C'est juste au nom du bien que les tyrans prennent le pouvoir. Rien justifie d'être un bâtard. T'as des convictions depuis deux semaines. C'est juste un prétexte pour lâcher ta haine. T'essayes d'être pertinent parce que t'es bête. C'est juste un moyen d'imposer tes règles. C'est sympa de vouloir jouer les héros. Mais t'es bon qu'à dénoncer les autres. Le savoir est une arme, c'est bien. Tu peux tuer si tu maîtrises rien. Rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureuse. Rêve mieux. Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux. Rêve d'être heureux.